quatrième et dernier temps de notre série sur l'année 1967 avec un débat consacré aujourd'hui aux jeunesses françaises et allemandes en 1967. D'avoir évoqué lundi à la fois la guerre des six jours et la mort de Che Guevara, puis mardi dans le documentaire d'Anaïs Quin et Anne Fleury dressait le portrait de Charlotte Delbault qui, dans un texte de 1967, racontait la rencontre d'un Allemand avec une rescapée des camps nazis, puis hier avoir analysé avec Laurent Véret le film Collectif sorti en 1967, coordonné par Chris Marker, Loin du Vietnam. Ce matin, nous allons nous demander comment parler de la jeunesse de 1967 en 2017, 50 ans plus tard. Ludivine Mantini sera avec nous. Elle est maître de conférence à l'université de Rouen, auteur entre autres d'un livre à paraître au Seuil qui s'intitule, ça sera en janvier, qui s'intitule 1968, de grand soir en petit matin dans la collection L'Univers historique. Julie Pagis est également avec nous. Elle est chargée de recherche en sociologie politique au CNRS, au laboratoire Iris et auteur de Mai 68, un pavé dans la mare. Enfin, Emmanuel Droit sera en duplex depuis Strasbourg où il enseigne à Sciences Po. Il est spécialiste de l'histoire allemande et en particulier des rapports de la société est-allemande au pouvoir de RDA. Mais tout de suite, comme tous les jeudis, vous le savez, nous continuons à explorer la façon dont on enseigne l'histoire en classe aujourd'hui avec la fabrique de l'histoire scolaire préparée et réalisée par Séverine Niattard et Séverine Cassard. Charlemagne, fils de Pépin le Bref, 1668-814, les rois fainéants et les maires d'Austrasie. Des dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Je parle à des gens qui font semblant de m'écouter, semblant de me regarder. Je suis là, vous me voyez? Des dates, le Saint-Empire, oh, tout est prévu. Est-ce que vous me voyez? La fabrique de l'histoire scolaire. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Faut pas que ce soit un cours. L'histoire, il faut pas l'apprendre, il faut la comprendre. Je vais interroger quelqu'un sur la leçon qu'il y avait à apprendre pour aujourd'hui. Pour répondre aux interrogations des élèves de ces deux lycées, qui sont représentés par Marco, Clémentine, Mathilde et Théo, Anne Rasmussen, agrégée d'histoire, professeure d'histoire des sciences à l'Université de Strasbourg. Merci à vous la parole. Pour débuter cette émission, Anne Rasmussen, nous pouvons dire que vos travaux sur la médecine en temps de guerre trouvent un écho tout particulier cette année, notamment au Mémorial de Verdun où une exposition s'est achevée il y a quelques semaines sur les secours aux blessés et aux victimes de la Grande Guerre. Thierry Hubscher, directeur du Mémorial de Verdun, évoque dans un reportage consacré à cette exposition l'impact de la Première Guerre mondiale dans les progrès médicaux. Anne Rasmussen, peut-on dire que la Première Guerre mondiale a permis plus d'avancées techniques en matière de progrès médicaux que la Seconde? Oui, alors la question de l'impact des progrès médicaux sur la guerre et de la guerre sur les progrès médicaux, c'est une question très pertinente. Depuis 8 ans, au rendez-vous de l'histoire de l'Oie, la web radio de l'Académie d'Orléans-Tours installe son studio d'enregistrement. Le thème retenu cette année est celui de la santé en temps de guerre. Anne Rasmussen est l'historienne interviewée. Deux enseignants, Céline Alemany-Lefebvre et Éric Fardel, ont préparé ce projet avec leurs élèves depuis la rentrée scolaire. Alors, vous êtes des élèves de première S, hein, je crois, et vous êtes du lycée Jean Monnet à Jouy-les-Tours, et vous venez en fait de faire une émission de radio d'histoire avec Anne Rasmussen. C'est quelque chose qui s'est préparé depuis le début de l'année. Vous avez consulté des livres, des archives, vous avez vu des films. On a principalement étudié une émission de radio avec Anne Rasmussen et des extraits de certains de ses ouvrages. Donc ils nous ont permis à la fin de poser chacun 5 questions. Donc on a pu en retrouver certaines dans l'interview. Et donc ça s'est fait en quelques séances de cours, ce qui nous a permis, en mettant les questions des deux lycées en commun, d'avoir un contenu varié. Ceux qui ont interviewé Anne Rasmussen, on a travaillé à part, on s'est un peu entraîné à lire les phrases parce que on connaissait pas en fait les phrases, on a proposé plusieurs questions et après les deux profs ont rassemblé les choses et après ils nous ont donné les questions. Alors madame Lefebvre et monsieur Fardel, vous êtes tous les deux donc enseignants d'histoire à Beaugency et à Jouy-les-Tours. Alors pourquoi cette initiative? L'idée c'est de croiser les programmes d'enseignement en seconde, première ou terminale avec le thème de l'année des rendez-vous de l'histoire. Et c'est ce qu'on a fait cette année en mettant en adéquation le thème de la violence de guerre, par exemple, avec le thème Eureka, donc les progrès dans le domaine de la médecine, les progrès scientifiques liés à la guerre. Et dans l'émission, on insère des extraits sonores, lectures d'archives, films, chansons, et on demande à l'invité de réagir à chacun des extraits. Et si Madame, si je peux rajouter, oui, l'idée aussi c'est surtout qu'on rende l'histoire sensible pour nos élèves parce que c'est souvent une matière qui est aimée en classe, c'est pas un souci, mais qui on n'en voit pas toujours l'intérêt parce que c'est passé. Donc l'idée vraiment pour nous c'est de confronter nos élèves à des travaux d'historiens, à des travaux actuels de recherche et qu'ils soient conscients de comment on fabrique l'histoire, comment on la construit, comment on la rédige et les mettre aussi par rapport à leur avenir proche, hein, les mettre en situation où ils vont découvrir des travaux universitaires. Qu'ils vont devoir synthétiser et afin que l'histoire soit sensible pour eux, ce qui n'est pas toujours le cas quand ça reste figé dans un manuel en fait. Voilà. Après, pour le choix des documents insérés, on fonctionne peut-être différemment. Je demande aux élèves de me faire des propositions, mais comme les délais sont très courts, bien souvent, on propose un panel d'extraits et on choisit collectivement avec les élèves. C'est-à-dire que c'est un projet qu'on va démarrer dès la première semaine de la rentrée, mais sur 4 semaines, déjà, on est obligé de cibler hein, quand même très clairement les articles qu'on va leur proposer, d'abord parce que certains sont accessibles et puis d'autres moins. Et puis, après, effectivement, on va passer une quinzaine de jours à l'analyse des documents qu'on leur fournit, à la rédaction des questionnaires, à l'entraînement à l'émission, à parler dans un micro. Donc ça, c'est aussi une autre étape. Et c'est vrai qu'en 4 semaines, c'est compliqué de leur laisser plus de temps pour faire des démarches scientifiques. Et donc là, cette émission va être diffusée. Oui, alors l'émission a été diffusée en direct sur la web radio académique. Et elle aura une vie plus tard, puisque les émissions sont archivées sur le site académique. Et en accompagnement, on trouve le diaporama qui a été présenté pendant l'émission, quelques extraits parmi ceux qu'on a distribués aux élèves pour préparer l'émission. Merci beaucoup, Madame Rasmussen, d'avoir accepté notre invitation. Moi, j'anime aussi une web radio dans mon lycée. Tout. Et chaque année, on enregistre en direct une émission en fin d'année, là, donc, où les élèves fabriquent tout de A à Z. Là, non, cette année, ça sera sur le développement durable. Mais voilà, parce que c'est un projet annuel lié au développement durable cette année sur l'éco-citoyenneté à jouer les tours. Voilà. Merci. Voilà pour ce nouvel épisode de la Fabrique de l'Histoire scolaire qui raconte chaque jeudi dans la Fabrique de l'Histoire en ouverture de l'émission la façon dont on enseigne aujourd'hui l'histoire en classe. Et d'ailleurs, on entendait dans ce reportage combien il était nécessaire pour les professeurs du secondaire d'être mis à jour sur les dernières recherches qui se font sur les programmes qu'ils enseignent. Et on pourrait dire bonjour Ludivine Montigny. Bonjour. Bonjour Julia Pagis. Bonjour. Bonjour Emmanuel Droit, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Strasbourg qui vous accueille. Bonjour à toutes et à tous. On pourrait dire, Ludivine Montigny, que c'est une nécessité aussi, à quelques mois de la commémoration de 1968, de remettre à jour son logiciel, comme on dit aujourd'hui, sur justement tout ce qui s'est passé, parce que cette représentation de cette France des années 60 qui débouche sur 1968 est encombrée de tout un tas de représentations très nombreuses qui nous empêchent, enfin qui empêchent les chercheuses et les chercheurs comme vous, donc de véritablement voir les itinéraires, la façon dont chacun et chacune s'est engagé ou pour 68 ou contre 68. Oui, absolument. C'est vrai que par exemple, parmi ces encombrements que vous évoquez, il y a ce fameux article de Pierre Viançon-Ponté, La France s'ennuie en février 1968. Souvent, on ne le lit pas, on se contente de son titre, alors qu'il pose des enjeux sociaux et politiques assez fondamentaux. Mais surtout, c'est vrai qu'on en oublie la vivacité des luttes sociales, des luttes politiques, la dimension extrêmement internationale aussi de ces mouvements sociaux qui, alors, ont précédé 1968 objectivement. Et moi, j'aime pas du tout l'idée que ça serait, voilà, tout ça conduirait en 1968, parce qu'il y a évidemment un surgissement. Voilà, les choses vivantes ne se calculent pas à l'avance, comme disait Kafka, mais il y a quelque chose de profondément structurel dans ces mobilisations des années 60 et en particulier de l'année 1967. Et je pense très important que vous ayez choisi de cette thématique des jeunesses, parce qu'il faudra bien montrer qu'il ne s'agit pas uniquement des étudiantes et des étudiants, et puis européenne, parce qu'encore une fois, l'ancrage international est absolument fondamental. Et d'ailleurs, Emmanuel Droit, puisque vous êtes spécialiste de l'Allemagne, Allemagne de l'Est comme l'Allemagne de l'Ouest, en l'occurrence, effectivement, on a une vision de ces jeunesses ouest-allemandes et est-allemandes qui est peut-être nécessaire, qu'il est peut-être nécessaire de dépoussiérer un peu aujourd'hui. Oui, dans la mesure où la représentation principale concernant ces jeunesses, c'est de les essentialiser, c'est de les enfermer dans des logiques liées à la division de l'Allemagne avec une jeunesse ouest-allemande d'un côté et une jeunesse est-allemande de l'autre. Or, j'allais dire, au-delà de la différence du cadre politique dans lequel ces jeunesses sont socialisées, il y a des enjeux transnationaux et Ludivine Vantini a raison de rappeler qu'il faut parler des jeunesses et des jeunesses européennes. Et ces jeunesses européennes, elles sont confrontées à un ensemble, ou plutôt ces sociétés européennes sont confrontées à un ensemble de défis transnationaux. Et il y aurait à faire une histoire connectée de ces jeunesses par rapport au transfert de la culture américaine, par rapport à des enjeux d'une société plus ouverte, moins conformiste, moins autoritaire, moins patriarcale. Et après, évidemment, en fonction du cadre national, les réponses sont différentes. Oui, donc nécessité, selon vous, Emmanuel Droit, de faire une histoire transnationale, justement, de ces jeunesses, parce qu'il y a des transferts culturels qui sont nombreux, et ces jeunesses ne sont évidemment pas totalement fermées les unes par rapport aux autres. Elles ont, c'est ce que vous expliquez dans votre travail, Emmanuel Droit, cette société de RDA n'est pas une société totalement close sur elle-même. Elle est évidemment parcourue par différents courants et des courants qui viennent, malgré le désir de les contrôler par le régime est-allemand en particulier, qui viennent d'Europe occidentale. Exactement. Il y a à la fois, de la part du régime communiste, la volonté de contrôler cette jeunesse. Elle est au centre de l'attention et les dirigeants communistes aiment régulièrement citer cette parole de Lénine qui dit « qui possède la jeunesse possède l'avenir ». Et en même temps, ils s'en méfient énormément parce que, en dépit de la fermeture du régime cimenté par la construction du mur en 1961, la RDA et le bloc communiste dans son ensemble est confronté au défi de l'influence de la culture américaine. Mmh. Dans le domaine musical, par exemple, c'est la culture folk. Et c'est pas seulement une question de transfert par les ondes. Vous avez physiquement des chanteurs anglo-saxons. Je pense notamment à un chanteur canadien comme Perry Friedman, mmh, qui vient habiter en RDA, qui vient s'installer au début des années 60 et qui vient porter en fait et contribuer à la diffusion de la culture folk américaine, alors évidemment à la sauce est-allemande. Oui, alors on sait combien aujourd'hui les chercheurs, les chercheuses en histoire sont, Julie Pagis et en sociologie historique, ont l'intention de multiplier de mettre des S partout, mettre des pluriels partout, et tout à l'heure effectivement Ludivine Bantini nous disait il faut parler des jeunesses, et c'est ce que vous avez fait dans votre livre qui s'appelle « Mai 68, un pavé dans leur histoire ». Vous avez interrogé, vous avez remonté la source depuis des enfants de 68ards jusqu'aux parents 68ards, remonté la source pour pouvoir discuter dans des longs entretiens avec ceux et celles qui s'étaient engagés dans le mouvement de 68, mais faire leur histoire d'avant aussi, savoir d'où ils venaient. Et cette histoire est très chamarrée. Elle n'est pas évidemment univoque, Julie Pagis. Oui, tout à fait. Un des enjeux de ce travail, de mon travail de thèse, c'était justement de déconstruire l'idée qu'il y aurait une génération, ou voire même deux générations de 68. C'était le titre, rappelons-le, il y a 20 ans, de livre collectif écrit par Amon et Rothman, qui s'appelait Génération au singulier. Tout à fait, et qui a participé à construire ce label. Et donc moi, je voulais le déconstruire en travaillant sur des anonymes. Eux avaient travaillé sur les leaders, et donc je voulais travailler sur des anonymes et retracer leur parcours. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de ce que j'ai appelé des micro-unités de génération qui ne sont pas nées aux mêmes époques et qui ne sont pas socialisées par les mêmes événements. Et donc, quand vous parliez de ces années 60, disons les plus âgés, nés entre la fin des années 30 et le début des années 40, eux vont se politiser avec la guerre d'Algérie. Bien sûr. Et ceux nés dans les années suivantes, l'année, des fois à l'année près, ça joue, c'est très important. Et parfois au mois près même. Bien sûr, être en terminale en 68 ou en classe classe prépa change tout. Donc après, la guerre d'Algérie, il y a les micro-unités de génération qui se politisent, notamment dans la lutte contre la guerre du Vietnam. Et là, on a toute l'importance, vous parliez tout à l'heure des changements, Ludivine parlait des changements structurels importants dans les années 60 et en 67. Il y a beaucoup de choses liées aussi à l'évolution des organisations religieuses d'encadrement de la jeunesse, avec l'Aggiornamento, Vatican II, et tous ces jeunes qui participent dans leur jeunesse à des organisations religieuses d'encadrement de la jeunesse et qui vont se politiser dans la lutte contre la guerre du Vietnam. Oui, et en particulier, effectivement, vous le mentionniez bien, il faut aussi distinguer des jeunesses urbaines parisiennes et des jeunesses urbaines d'autres villes de France et des jeunesses rurales qui ne sont pas les mêmes et qui n'ont pas les mêmes aspirations, pas les mêmes formations, pas les mêmes familles de départ. D'une certaine façon, c'est ce que vous faites très bien dans votre livre, Julia Pagis. Oui, alors effectivement, le rôle des JOC, des JAC, des GEC sont très importants. Alors, jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse agricole chrétienne, jeunesse étudiante chrétienne. Tout à fait, dans les milieux ruraux, la jeunesse agricole catholique a été très important, a été un terreau de... Alors, politisation, ça viendra plus tard. Au début, de prise de conscience, beaucoup d'inégalités de classe, en fait, puisque donc c'était des enfants de paysans pour beaucoup qui étaient dans ces organisations religieuses de jeunesse et qui prennent conscience et qui, pour certains d'entre eux, parce que c'est aussi ça, les évolutions structurelles dont on parlait, c'est la massification scolaire dans les années 60. Bien sûr. Et donc, c'est le fait que certains d'entre eux arrivent les premiers de leur famille à l'université. Exactement, ce que j'appelle, après mon directeur de thèse notamment, Gérard Mauger, les intellectuels de première génération, qui sont très nombreux dans ces cohortes qui vont nourrir les rangs des futurs 68ards, des enfants qui sont les premiers de leur famille à accéder au bac et à faire des études supérieures. Et pour beaucoup d'entre eux, ces organisations religieuses d'encadrement de la jeunesse ont joué un rôle de formation, de seconde école et de prise de conscience de leur origine de classe et des injustices qu'elles pouvaient entraîner. Alors, il ne s'agit pas de minimiser le rôle de Paris en tant que capitale dans ses préparations. Personne ne sait que c'est une préparation à mai 68, en l'occurrence, mais dans cette année 1967, Ludivine Montigny. Mais il s'agit de redonner tout de même un paysage beaucoup plus varié, beaucoup plus géographiquement, beaucoup plus éclaté que ce qu'on a longtemps fait, Ludivine Montigny. C'est-à-dire qu'il y a des pôles qui sont des pôles de contestation, des pôles de discussion. On parlait hier à l'occasion de Loin du Vietnam, de la Rodia Seta. Évidemment, ça n'est pas la même chose que de grandir dans une ville qui a une grande grève comme celle de la Rodia Seta, de grandir à la campagne, de grandir dans d'autres villes qui n'ont pas de mouvements sociaux, mais et d'autres qui ont des mouvements sociaux de type différent, en l'occurrence. Absolument, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des rencontres sociales entre des milieux qui sont en effet très différents. Alors, il faut en effet rappeler que les étudiants sont une toute petite minorité par rapport à leur classe d'âge. C'est 12% d'une classe d'âge, donc c'est vraiment très peu. En revanche, ce qu'on oublie également, c'est que la situation sociale et économique est très tendue autour de 1966-67. C'est quelque chose qu'on a vraiment oublié, qui est même quasiment refoulé parce qu'on a coutume de considérer que la crise n'éclate que dans les années 70, avec 1973 en particulier. Mais en fait, tous les analystes de l'époque considèrent, et Michel Debré lui-même le dit, qu'il y a un vrai malaise général de l'économie. Et quand on se plonge dans les archives départementales, locales, on voit que beaucoup d'entreprises ferment. Donc, le thème de l'emploi, il y a environ 500 000 chômeurs déclarés à cette époque, et c'est pas anodin non plus que l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, ait été fondée en 1967. Donc, il y a cette dimension économique qu'on ne perçoit plus véritablement avec le recul. Et qui touche, dès lors, des catégories sociales assez diverses en effet. Le monde agricole, c'est très important de se rappeler qu'en 1967, il y a des mouvements assez considérables. Je pense à Redon, à Quimper, au Mans aussi, où il y a des barricades, où on a des attaques contre la préfecture, où on a des rues, des pavés, etc. Et ce qui est très important également, c'est que les paysans... On est très près des mouvements du début des années 60, où les paysans bretons en particulier, menés par Alexis Gouvernec et d'autres, ont défié directement le pouvoir gaulliste, en particulier Absolument. Michel Debray. Et ce qui est très frappant dans ces différents cas, c'est que là aussi, il y a des formes d'alliance sociale. Par exemple, il y a une grande journée d'action qui est organisée le 13 décembre 1967, à l'initiative d'une part de la FNSEA, d'autre part de la CGT, où se joignent aussi des étudiants, des enseignants, etc. Donc il y a des convergences. Et le monde ouvrier aussi, là on l'a quelque peu oublié, hormis le cas très important de la grande grève de Rodia Seta, aussi bien à Besançon qu'à Vez, qu'à PH de Roussillon, etc. Mais il y a d'autres grèves, par exemple dans les mines de fer de Lorraine, on a 30 jours de grève, de blocage de la production. On a également dans les chantiers navals de Saint-Nazaire une mobilisation. Et à chaque fois, des étudiants viennent prêter main forte sur les piquets de grève, etc. Donc, il y a ces convergences qui se dessinent bien avant 1968. Julia Pagis. Oui, sur cette question de documenter les événements de mai 68 et les années précédentes et la suite en province, je voulais juste dire que du coup j'ai eu la chance de participer depuis quatre ans à une enquête collective sur les trajectoires 68-ardes dans cinq. On a fait exprès de choisir cinq villes de province, hein, Lille, Rennes, Nantes, Marseille et Lyon. Et donc il y a un gros travail depuis 3 ans d'enquête qui va donner lieu d'ailleurs à une publication chez Actes Sud en avril ou mai prochain. Mmh. Et effectivement, c'est l'occasion de se rendre compte que ce qui a été sur-documenté, c'est Paris et les étudiants. Et quand on va voir effectivement en province, on voit aussi des spécificités liées au contexte économique et social local. Par exemple, moi j'étais dans l'équipe, je coordonnais l'équipe de Lille-Roubaix. À Lille, évidemment, c'est toutes les usines de textiles qui déjà, comme l'a dit Ludivine, la question de l'emploi est déjà très importante. Depuis le début des années 60, en fait, il y a énormément de licenciements. Donc, il y a des luttes très fortes à Roubaix, notamment, syndicales. Mais on y voit aussi très important le PSU. On n'en a pas encore parlé jusque-là, mais dans ces années 60, le PSU, et alors c'est avec certaines branches du PSU plus ou moins combatives, mais était un acteur central. Et juste pour finir sur l'île Roubaix, avec ce textile, va aussi avec une très forte présence du catholicisme et donc des JOC, des jeunesses ouvrières chrétiennes, qui là ont été un foyer de conscientisation politique centrale. Manic Depression de Jimi Hendrix 1967, c'était aussi le festival de Monterey. Donc, et vous évoquiez tout à l'heure effectivement cette porosité, Emmanuel Droit, entre ces musiques américaines, anglo-saxonnes, occidentales, dans le territoire donc de l'Allemagne de l'Est, dont vous êtes un spécialiste. Cette porosité est forte dans ces années-là? Oui, elle est forte et elle est même parfois encouragée par le régime. En tout cas, le régime considère que ces influences-là, il faut les accepter et les tolérer jusqu'à un certain point. Et en fait, le régime communiste aussi, depuis le début des années 60, entre une ligne d'ouverture, ce qui se traduit notamment par la création d'une radio qui s'appelle DT 64 et qui diffuse des morceaux des Beatles ou des Rolling Stones, et puis une politique de fermeture parce qu'on considère la jeunesse comme un ennemi intérieur. En tout cas, on s'en méfie. Oui, c'est ce que vous appelez les pires groupes. Donc, ces groupes de jeunes qui, au niveau d'un quartier, au niveau d'une rue, s'allient, se mettent ensemble, ont des pratiques qui sont des pratiques sociales de la jeunesse, pourrait-on dire, et dont le pouvoir de RDA se méfie considérablement, et même déjà depuis pas mal d'années. Ça n'est pas simplement dans les années 60 que ça se passe, même si plus tard, il tentera ce pouvoir de les récupérer à son propre compte. Oui, exactement. Il y a d'une part cette logique de vouloir contrôler la jeunesse par le biais des organisations de masse, l'organisation des pionniers et l'organisation de la jeunesse libre allemande, ce qui permet d'avoir une continuité dans l'encadrement de 6 à 25 ans, parce que pour le coup, le terme jeunesse a un sens bien spécifique en RDA, ça correspond à la catégorie d'âge des 15-25 ans. Mmh. Aussi bien des lycéens, des étudiants que des jeunes travailleurs dans les usines et dans les grandes fermes d'État. Et Et cette jeunesse, en fait, elle est au centre de l'attention du régime et en même temps, elle a des envies de liberté et la sociabilité, elle se fait parfois en dehors de ces organisations de jeunesse. Et là, ça plaît pas du tout au régime qui va mettre à contribution à la fois la police populaire, j'allais dire la police ordinaire et puis la police secrète pour surveiller cette jeunesse parce qu'il y a toujours cette idée, on analyse la jeunesse uniquement à l'aune d'une grille d'analyse politique et idéologique, à l'aune d'une forme de pédagogie noire et donc porter les cheveux longs, porter un jean de l'Ouest, écouter de la musique occidentale, ça peut être, enfin, c'est considéré comme la première étape vers une logique d'opposition, de résistance au régime communiste, voire même de destruction du régime communiste. Et donc, pour étouffer dans l'œuf toute forme de déstabilisation, on surveille de près ces groupes de sociabilité qui sont des groupes où, au sein desquels, pour le coup, le mélange se fait. Hein. Il y a des jeunes ouvriers qui et des jeunes étudiants avec des lycéens et des étudiants. Et ça, le régime n'aime pas du tout ces groupes de sociabilité. Ils ont encore en tête, effectivement, en particulier, la révolte de 1953. Et ils veulent évidemment éviter, c'est dans leur imaginaire, en tant que pouvoir, éviter que cela ne se reproduise. Julie Pagis. Oui, dans le fil de ce qu'Emmanuel Droit vient de dire, je voulais mentionner que pour les plus jeunes des enquêtés avec lesquels j'ai travaillé, ce n'est au début des années 50, on va dire, effectivement, toute la contre-culture qui arrive des États-Unis, du mouvement qui a été qualifié de mouvement hippie, la musique, l'habillement, tout ça est très important. Je pense à un enquêté qui me parlait de l'importance, qui me disait, mais nous, pour nous, on était au lycée, il y avait Radio Caroline, la musique, le Che, et on faisait un groupe Théâtre et Révolution. Et donc, dans cette socialisation politique de cette jeunesse née au début des années 50, qui est encore lycéenne en 67, cette contre-culture, comme il a été dit, est subversive. Et donc, c'est comme ça que naissent des dispositions au militantisme, en tout cas anti-institutionnel. Oui, c'est là où ce que vous dites, Julie Pagis, c'est intéressant. C'est qu'en reprenant le terme de Bernard Pudal, vous dites toute cette génération, cette jeunesse, tente de concilier l'inconciliable. C'est-à-dire à la fois de ne pas totalement rompre avec ses origines sociales et avec ses parents, la plupart du temps, tente aussi de faire des études supérieures, de partir de leur milieu, de ne pas s'arracher totalement à ce milieu, et tout cela, et donc d'avoir une nouvelle culture qui serait une culture dite culture jeune, entre guillemets, et en même temps de s'inscrire dans la société de son temps. Oui, alors là, c'était plus, quand je parle de concilier l'inconciliable, je reprends les travaux de Bernard Pudal, c'est pour ces intellectuels de première génération qui, effectivement, sont les premiers de leur famille à faire des études supérieures et donc ils sont des transfuges de classe. Bien sûr. Mobilité sociale, en fait, les expose à des injonctions contradictoires. D'un côté, en fait, il y a cette menace qu'ils renieraient leurs origines. Et donc, un moyen de ne pas renier ses origines, pour eux, c'est justement de mettre leurs connaissances et leurs dispositions, on va dire leurs compétences, au service de leur classe d'origine, en militant, justement, pour beaucoup à l'UNEF, au début, syndicat étudiant important dans ces années-là, et puis après, dans des groupes, notamment d'extrême-gauche, que ce soit la JCR ou pour les MAO, à l'UJCML et qui à ce moment-là du coup ils militent pour leur classe tout en étant quand même étudiants et donc en s'acculturant au milieu universitaire. Alors il ne faut pas oublier effectivement qu'il y a tout de même des ouvrages ou des personnages et on y revient souvent quand on parle de cette période de 60 à 67 68 qui compte dans le paysage intellectuel, qu'il y a évidemment Althusser et ses cours, le renouveau de la lecture du Capital, mais qu'il y a aussi Pierre Bourdieu, qu'il y a l'ouvrage de Bourdieu et Passeron qui date de 2 ou 3 ans à ce moment-là, sur la question des héritages, qu'il y a cette année-là la parution à la fois du manuel de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Van Hegem, mais aussi de la critique de la société du spectacle de Guy Debord cette même année, 1967. Et tout ça, ça fait, disons, un corpus théorique. Si on y rajoute les films sur le Vietnam, la réflexion sur le Vietnam, les journaux de contre-culture, un corpus théorique qui permet d'une certaine façon de se nourrir intellectuellement et de nourrir intellectuellement sa place dans la société en tant que, entre guillemets, tout cela est un, entre guillemets, en tant que jeune, Ludivine Montigny. Oui, on peut considérer qu'il s'agit bel et bien d'années critiques, au sens tout simplement déjà quasiment étymologique du terme, c'est-à-dire d'interrogation sur les évidences supposées qui ne vont plus de soi. Et ce qui est très frappant dans le corpus théorique que vous évoquez, c'est aussi la dimension transnationale de ces circulations. Par exemple, on l'oublie peut-être un peu trop souvent également, mais c'est vraiment l'Italie qui a lancé le mouvement des universités critiques, de ce qui était aussi appelé les universités négatives. Et ce qui marque, c'est que il y a un transfert des textes. Par exemple, des textes qui sont élaborés à Pise, la Sapienza, c'est fondamental parce qu'on réfléchit beaucoup. Vous évoquiez Bourdieu et Passeron, mais à Pise également, les étudiantes et les étudiants forgent des théories sur la place de l'école dans la reproduction, disons, du système social et économique. Et ces textes migrent par différentes voies. Dans différents pays européens. On pense aussi, bien sûr, au rôle de Rudi Dutschke en Allemagne et de manière générale. Il y a le meurtre d'un étudiant allemand, Benno Onnesorg, dont le journal... En 1967, exactement, le 2 juin 1967. Et le journal Die Zeit considère que la balle qui a traversé son crâne a traversé aussi beaucoup de crânes. C'est-à-dire que vraiment, toutes ces mobilisations absolument considérables aussi. C'était contre la venue Italie, du chat en Allemagne. Absolument, du chat d'Iran. Mais en Italie, en Allemagne, ce qui est aussi marquant, c'est que il y a des reprises de répertoires d'action, et non seulement des répertoires théoriques, mais ce qui se passe au Japon, par exemple, alors on a un peu trop allusivement évoqué jusqu'à présent la guerre du Vietnam, c'est fondamental, 1967, c'est aussi le verdict du tribunal Russell, qui considère que au Vietnam se déroulent non seulement des crimes de guerre, mais même des crimes contre l'humanité. Et donc, par exemple, au Japon, les mouvements anti-impérialistes, anti-base américaine sur le territoire japonais engendrent certains types de répertoires, des manifestations qui sont beaucoup plus dynamiques, etc., qui sont aussi transférées aux États-Unis, puis en Allemagne. Enfin, voilà. Donc, par exemple, en Italie, que ce soit à Trente, à Pise, à Milan, ou même dans de plus petites villes comme Lucque, par exemple, ou Bari, eh bien, il y a cette reprise du répertoire. On parle du free speech movement qui a lieu au même moment sur les campus états-uniens. Bref, il y a cette espèce de d'ébullition qui est profondément transnationale et qui vient aussi d'Europe de l'Est, en écho à ce qu'a dit Emmanuel Droit, par exemple aussi les dissidences de Pologne autour de Couronne et Modlewski, qui vont être extrêmement cités par les mouvements étudiants en Europe occidentale, et puis, et notamment en France. Et puis, vous le rappelez parfois dans des articles, en l'occurrence Lydine Bantini, les JCR, les Jeunesses Communistes Révolutionnaires, donc trotskistes, vont se rendre, c'est pas en 67, mais c'est tout début 68, puisque c'est en février 1968, à un grand rassemblement anti-impérialiste organisé à Berlin, en Allemagne de l'Est, où on retrouvera Ernest Mandel, donc de la 4e Internationale, et de l'autre côté, Rudi Dutschke, qui d'ailleurs paiera presque de sa vie, puisque en avril 68, il y aura un attentat contre sa personne, et il sera attaqué par arme, en l'occurrence, et tout ça provoquera en retour des manifestations à Paris en avril 1968. Il y a effectivement cette circulation transnationale, et Emmanuel Droit, la RDA n'est pas à un endroit isolé du reste de l'Europe et du reste du monde dans cette année 1967, début 1968. Non, et puis la RDA essaye de capter cette ébullition et essaye de se positionner dans une logique un peu romantico-révolutionnaire comme le lieu qui pourrait concentrer l'attention de ces mouvements. Elle est un peu concurrencée par Cuba tout de même, dont on parlait lundi et dont on a reparlé. Oui, elle est concurrencée par Cuba, elle est concurrencée par la Chine et elle s'inquiète énormément de cette concurrence parce que c'est un régime qui est en train de perdre, qui connaît une forme d'essoufflement idéologique parce que la RDA est dans une logique de stabilisation. Et donc, elle voit monter en puissance des jeunes pays, alors avec parfois de la sympathie notamment pour Cuba, mais elle voit monter en puissance des contre-modèles. On est depuis le début des années 60, dans une logique d'effritement du bloc communiste et Moscou a perdu le monopole idéologique. En tout cas, le marxisme-léninisme a perdu le monopole idéologique. Et donc, le mouvement, par exemple, de contestation étudiante à Berlin-Ouest, qui est surveillé étroitement par la RDA à travers la Stasi. Je rappelle juste, en passant, que le policier de Berlin-Ouest qui a tiré sur Benno Onnesorg était un informateur de la Stasi. Et donc, il y a beaucoup de méfiance aussi par rapport à cette contestation étudiante de de Berlin Ouest, à la fois beaucoup de sympathie et beaucoup de méfiance. Oui, Julie Pagis, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous notez bien dans les entretiens que vous avez fait pour votre livre Un pavé dans leur histoire, mai 68, auprès de tous ceux et toutes celles qui se sont engagés en 1968 et que vous avez, à qui vous avez demandé de raconter ce qui s'était passé avant, les racines d'une certaine façon de leur engagement. Vous notez bien effectivement que la question de cette structure du Parti communiste français, par exemple, de ce parti qui est encore considéré comme stalinien par beaucoup des jeunes de cette époque-là, est très important pour pouvoir justement s'en distinguer et aller du côté des comités de Vietnam de base plutôt maoïste, aller du côté de la JCR plutôt trotskiste, plutôt que de retomber dans ce parti communiste qui est pourtant censé représenter la classe ouvrière en particulier. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé de l'UNEF et on n'a pas eu le temps de parler, mais c'est l'occasion, votre question, de l'UEC, qui était l'Union des étudiants communistes, qui a été là aussi une organisation politique centrale dans la politisation d'un certain nombre d'entre eux. Et toutes les crises internes à cette Union des étudiants communistes, en gros, dans les années notamment 66, il y a des exclusions de plusieurs courants et qui vont donner lieu à la création, justement, donc les de la JCR en avril 66, qui sont exclus et qui parce qu'ils sont trotskistes. Mmh. Et donc se crée la JCR à ce moment-là, et peu de temps après sont exclus les pro-chinois, et ça va donner en décembre 66 la création de l'UJCML, l'Union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, qui va être un terreau une organisation maoïste qui va avoir un rôle central en fondant les comités Vietnam de base, les CVB, qui étaient un peu les concurrents des équivalents trotskistes qui étaient les comités Vietnam nationaux, dans lesquels de nombreuses futures 68ards ont milité contre la guerre du Vietnam. Avec aussi, et c'est ce que vous montrez les unes et les autres, effectivement, cette position qui est à la fois de soutenir, mais en même temps d'être critique, et c'est ce que vous expliquez très bien, Livine Montigny, d'être critique par rapport à ces partis qui sont très proches des partis communistes, pourrait-on dire, aussi bien le FNL au Vietnam que certains partis dans d'autres pays, parce qu'il faut à la fois soutenir la lutte juste de ces pays à leur propre indépendance, mais en même temps ne pas tomber dans une réitération, pourrait-on dire, de ce qu'a été la révolution russe et la révolution soviétique. Cirque et Rock, donc, de Pierre-Henri, 1967, avec l'aide du compositeur Michel Colombier, donc, et qui donnera évidemment la bande son du spectacle de Maurice Béjart, la messe pour le temps présent. Alors là, on parle de l'Europe, en l'occurrence. Il ne faut pas oublier que l'Europe a des possessions outre-mer, en particulier, et que 1967, Ludivine Montigny, c'est aussi un grand moment terrible pour des Français d'outre-mer. C'est en Guadeloupe. Bien sûr, et c'est malheureusement un événement qui est en général oublié, même si, évidemment, le traumatisme mémoriel est toujours très important en Guadeloupe même. C'est ce qui est appelé mai 67 pour la Guadeloupe. C'est une révolte qui part d'un crime raciste qui se passe à Basse-Terre, et donc c'est un propriétaire blanc qui lance son chien contre un vieux cordonnier qu'il appelle Salle Nègre. Et voilà, ça crée une immense révolte, mais qui s'accompagne aussi d'une mobilisation sociale plus large. C'était une étincelle, mais il faut rappeler... Au-delà d'ailleurs de la Guadeloupe, hein, que c'est ce qu'on disait au départ de l'émission, on en parle assez peu, on s'imagine toujours les fameuses 30 glorieuses que l'historiographie est en train de mettre en cause, mais que le seuil de pauvreté qui touche tout particulièrement les départements d'outre-mer, c'est il y a 5 millions de personnes en 1967 qui vivent sous le seuil de pauvreté, il y a 2 millions de personnes qui ont moins de 500 francs par mois pour vivre, c'est à peu près l'équivalent de 700 euros aujourd'hui. Donc les révoltes, ce que le pouvoir appelle des émeutes et qui seront réprimées, je préfère les nommer des révoltes, il y a une véritable mobilisation sociale qui combine justement la lutte contre le racisme en Guadeloupe et dans les Antilles en général, et puis la question du mieux vivre, la question de tout simplement du rapport à cette... À ces conditions salariales. Et ce qui est absolument dramatique et qui ajoute encore à cet oubli mémoriel, disons, c'est qu'on ne sait toujours pas exactement combien de victimes a fait la répression. Il y a eu un rapport qui a été réalisé par l'historienne Michèle Zancarini-Fournel sur cette question-là, à la demande du gouvernement. Tout à fait. Et ce rapport, effectivement, ne parvient pas à dire, au bout du compte, combien de victimes. On estime en général qu'il y aurait eu au moins 80 morts. Mais ça reste... Et ça veut dire aussi que nous sommes tout près de l'Algérie. On l'a déjà dit dans d'autres parties de cette émission, Julie Pagis. Nous sommes tout près de l'Algérie et que cette question de l'Algérie, on est à 5 ans en 1967 de la fin de la guerre d'Algérie. Cette question de l'Algérie est encore très présente dans le discours et la discussion de tous ceux qui militent à gauche et à droite, d'ailleurs, parce que on a rappelé dans l'émission d'hier que la projection de loin du Vietnam au Kino Panorama donnera lieu à une prise de la salle par les militants d'Occident, que tout juste auparavant l'Odéon, avec les paravents de Jean Genet, a été aussi envahi par des militants d'Occident. Donc il y a véritablement une jeunesse qui, d'un côté comme de l'autre, s'affronte, y compris dans les rues de Paris, Julia Pagis. Oui, tout à fait. Effectivement, cette question est encore extrêmement chaude, sensible. Elle le restera d'ailleurs longtemps. Et pour la jeunesse dont on parle aujourd'hui, peut-être ce n'est pas dans les années 50, mais du coup au début des années 40, et qui ont effectivement, qui sont adolescents et tout jeunes adultes en pleine guerre d'Algérie, ils nous racontent, souvent je livre des propos pour qu'on se rende compte, parce que nous on n'a pas grandi dans ces contextes-là, qui disaient, nous quand on était au lycée, c'était incessant, tout le monde était politisé, au tableau il y avait l'OS vaincra, Ben Bella, et en fait il y avait des prises de position et des bagarres dans les rues de Paris, notamment. Au cours des lycées, on se frittait, ouais. Et ça faisait partie de cette politisation. Oui, comme d'ailleurs quand le comité Vietnam de base de Mouffetard voudra critiquer le gouvernement, donc les gouvernements américains et sud-vietnamiens, il dira un carteron de généraux, Thieu, Kiem et Khan peuvent-ils prétendre être indépendants vis-à-vis de leur maître américain, évidemment faisant référence à une expression qui était utilisée par De Gaulle contre le putsch des généraux à Alger quelques années plus tôt. Et en fait, ces transmissions de savoir, de pratique, de savoir-faire politique sont très importantes entre la guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam. On le voit aussi bien dans les archives policières, quand ces archives policières, par exemple, les fiches d'arrestation, d'interpellation lors des mobilisations contre le Vietnam, elles nous rappellent des trajectoires militantes aussi. Elles nous rappellent que certaines personnes ont déjà été remarquées par les services de police à l'occasion des mobilisations contre la guerre d'Algérie. Et en fait, on aurait du mal à comprendre ces années 67-68 sans reparler, en effet, par exemple, des comités lycéens antifascistes qui se sont mis en place à partir de 1960, pas seulement en région parisienne, bien au-delà, pour combattre les attentats de l'organisation de l'armée secrète. Alors, évidemment, cette condition est un peu différente pour l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, Emmanuel Droit, même si on dit qu'il faut faire une histoire l'histoire transnationale de cette jeunesse, comme on le dit depuis le départ de notre émission. La question du terme qui a été posé traditionnellement en Europe occidentale avec 1968 et mai 1968 ne se pose pas de la même manière. C'est-à-dire que la chronologie n'est pas exactement la même, par exemple pour l'Allemagne de l'Est, que vous connaissez bien, puisqu'il n'y a pas eu de mai 68 en Allemagne de l'Est. Non, elle se pose pas de la même manière, et c'est vrai, vous avez raison, il faut pas forcément chercher du transnational là où il y en a pas, et donc l'enjeu d'une histoire transnationale, c'est d'arriver toujours à pondérer la dimension du transnational et les logiques nationales. Et en effet, en RDA, dans une société contrôlé par l'État, il n'y aura pas de 68 sur le modèle occidental, dans la mesure où la jeunesse, même si elle est politisée et surveillée par l'État, et plutôt dans une logique d'accommodement avec les régimes que dans une logique d'opposition, parce que quand elle est dans une logique d'opposition, elle l'a vu au 17 juin, lors du 17 juin 53, elle le paye au prix fort, mais simplement, ouais, cash. Mais de l'autre côté, à l'Ouest, évidemment, il a été question de la mémoire de la guerre d'Algérie, et évidemment ce qui est au cœur de l'actualité dans les années 60 en Allemagne de l'Ouest, c'est la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, la mémoire du national socialisme. Et là, évidemment, les étudiants, alors s'ils sont pas à l'origine d'une nouvelle réflexion sur le passé nazi, ils vont évidemment accélérer cette réflexion, et ils entrent dans ce que Jürgen Habermas, le philosophe allemand, appelle une logique de désobéissance civile dans un état de droit, c'est-à-dire qu'il considère que le pouvoir est aux mains parfois d'anciens nazis recyclés dans l'appareil d'État, au niveau de la justice, au niveau de la police, et ils entrent dans une logique de résistance, et ce qui va être ils vont être l'objet d'une stigmatisation politique de la part des députés et de la classe politique ouest-allemande, jusqu'à se faire accuser d'être des terroristes, et le grand philosophe Adorno va même jusqu'à dire que les étudiants ont endossé le rôle des juifs en 1967-1968. Et il y a un fossé générationnel très fort autour de ces enjeux liés à la Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un comme Gudrun Enslin, qui va être une future membre de la Rote Armee Fraktion, disait en 67, vous ne pouvez pas parler avec des gens qui ont fait Auschwitz. Et donc, on voit bien comment là, on a un phénomène de cristallisation d'une tension générationnelle très forte, alors qui concerne une petite minorité de la jeunesse ouest-allemande. C'est cette jeunesse politisée qui milite en partie au SDS, qui est le fer de lance de la contestation étudiante et qui est menée par Rudi Dutschke. Mais il y a en effet ces enjeux de passé et de, à la fois de diffusion dans l'espace public d'une mémoire collective autour des crimes du national-socialisme, et puis d'un trou de mémoire, d'une chape de plomb au niveau des familles. Alors, il y a un point que nous n'avons pas abordé, et nous l'abordons fort tardivement pour cette émission en l'occurrence, c'est effectivement que dans votre travail, Julie Pagis, dans Mai 68, un pavé dans leur histoire, vous n'oubliez pas, et il ne faut pas l'oublier effectivement, que ce moment est aussi un moment d'émergence, de revendication féministe, qui évidemment trouveront leur expression la plus intense au tout début des années 70, mais que déjà en 1967, eh bien, il y a déjà cette volonté de montrer autour de la question de la sexualité, mais pas simplement autour de la sexualité, donc la façon d'être femme qui change dans cette société des années 60 en France. Oui, tout à fait. La condition féminine connaît des évolutions structurelles très importantes dans ces années 60. Alors évidemment, 67, on a en tête la loi Neuwirth, même si effectivement, en fait, l'accès à la pilule ne sera pas finalement aussi évidente que ça dès 67. Et comme vous l'avez dit, les mouvements féministes, l'année zéro, c'est 70. Mais déjà, les questions de mixité ou de non-mixité en 65 à Antony, bien avant 67 à Nanterre. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand même, ces évolutions vers l'accès, en fait, à l'indépendance économique et sexuelle des femmes se joue dans ces années 60, avec des décalages de plus en plus importants, parce que de plus en plus de femmes accèdent aux études supérieures et au statut d'étudiant, sauf que du coup il y a un décalage, un hiatus finalement entre la façon dont elles continuent d'être déconsidérées comme des mineures et comme des filles, et en même temps du coup l'accès aux études supérieures qui leur donne évidemment un statut avec lequel elles elles vont pouvoir commencer à critiquer cet état des mœurs et faire évoluer les rôles de femmes, de filles et de mères. Donc l'indépendance, l'accès à l'indépendance sexuelle, l'accès aux études supérieures et donc bientôt l'accès à l'indépendance économique, tout ça se joue effectivement dès les années 60. Rappelons à nos auditeurs qui ne s'en souviendraient pas que c'est en 65 qu'une femme mariée a le droit d'ouvrir un compte en banque, d'utiliser un chéquier. Tout à fait, donc c'est deux ans avant 67. Indépendant de son mari. Ludine Montigny. Oui, je rejoins absolument Julie Pagis, notamment sur la question du contraste qui peut exister entre la loi Neuwirth en l'occurrence, qui légalise la contraception et donc permet l'accès à la pilule, et la différenciation sociale de son accès. C'est-à-dire qu'on peut constater que dans certains milieux sociaux, pour des raisons diverses, à la fois, disons, de mœurs et aussi des raisons de crainte de nature médicale, les femmes ne se précipiteront pas sur la pilule et qu'il faudra attendre, encore une fois, d'une manière très différenciée selon les appartenances sociales, parfois le milieu des années 70 pour que ce soit plus généralisé. Et il faut toujours le dire, d'ailleurs, quand on travaille en réception d'événements considérés comme des événements marquants, il faut toujours dire qu'il y a un délai et que selon le milieu, selon la géographie, on ne reçoit pas forcément la même information au même moment. Et l'arrivée du rock au début des années 60 en Europe occidentale, par exemple, n'a pas été perçue de la même manière selon qu'on habitait tout près du Golfe de Roux à Paris ou qu'on était au fin fond du Poitou, là où je suis né, par exemple. Et puis, il y a aussi des contrastes d'un pays à l'autre. Par exemple, donc on évoquait à l'instant, grâce à Julie, la question des féminismes qui commencent à se forger. Mais il y a un décalage et même un retard relatif français par rapport à ce qui se passe déjà aux États-Unis. 1967, c'est la traduction aux États-Unis du deuxième sexe. Et il y a vraiment, là par exemple sur les campus à Berkeley, quand des étudiants disent « Ah ben maintenant, les femmes, il faut faire la cuisine, etc. » Mais ce sont des éclats de rire généralisés. Mais non, enfin si ce sont les femmes qui doivent faire la cuisine, alors... Prolétaires de tout pays qui lavent nos chaussettes. Voilà, prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes. Et voilà, et on parlait de Berlin-Ouest. À Berlin-Ouest, bon, c'est très minoritaire, mais il y a deux communes, des communes, donc sur le modèle d'ailleurs, inspiré par l'appellation de la commune de Paris. Et dans ces deux communautés, appelées communes, la question des rôles de genre, de la place des femmes, est absolument abordée. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission conclusive de notre série sur l'année 1967. On n'a pas pu aborder tous les événements qui avaient eu lieu en 1967, mais on a compris qu'il y avait dans ce climat de 1967 quelque chose de très particulier, de ce que vous décrivez, Julie Pagis, en parlant de la critique de l'hypocrisie morale de la société de 1967-1968. Je rappelle que vous êtes auteur de Mai 68, un pavé dans leur histoire, qu'on pourra lire en partir du mois de janvier le livre que vous avez écrit, des grands soirs, du grand soir au petit matin, c'est ça? Grand soir et petit matin. 1968, de grand soir en petit matin. C'est donc à une lumière historique au seuil. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marsay. Clément Berman était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter, réécouter cette série d'émissions consacrée à l'année 1967, il y a 50 ans, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Vous pouvez aussi discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre encore sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC.